J'ai eu besoin de toi, c'est vrai. Sans jamais manquer de dire s'il te plaît. Toujours est-il que tu t'es forcé pour mon bien à m'accompagner. Sous les mots de vent, ta performance. Avoir été gay, j'y aurais vu romance. Je fus désemparé, m'enchoyé par ton avoir, me voir, moi, avancer. Je n'ai pas su te remercier. La fois que tu m'as laissé. Mais comment savoir quand t'es loin? Au prochain coin, on te foncerait dedans. Désormais pour aller travailler. Ne pense pas que me. Les empruntés. Puisque tu n'existes plus, d'une embarcation, je suis dépourvu.